Je suis perdu, que tu me guides, les femmes me perturbent, mon cœur est vide, tu connais quoi de ma vie? Tu connais quoi de ma vie? Nuages de peine, il pleut des larmes. Le soleil rayonne tout le temps trop tard. Trop ont des problèmes et peu en parlent. Pour les gens que j'aime, que Dieu les garde. Trop au cimetière, trop en promenade. Trop sont faits, peu s'accrochent à la vie. Quand t'es plus rien, ici beaucoup te larguent. Le mal te hante bien pire qu'une maladie. Et je me fais des films, je m'aperçois que le temps défile. Le bonheur n'est que de passage, mais suffit d'un rien pour finir sur les îles. Réfléchis bien, ne fais pas l'imbécile. Même si la vie que tu mènes t'a choqué, que pour ça tu t'es mis à droguer. Même la fille que t'aimais t'a troqué. J'suis perdu, que tu me guides. Les femmes me perturbent, mon cœur est vide. Tu connais quoi de ma vie? Hypocrite, de mourir demain. Alors profite. J'suis perdu, que tu me guides. Les femmes me perturbent, mon cœur est vide. Tu connais quoi de ma vie? Comme je suis, je n'ai rien à prouver. J'ai fait ce que j'avais à faire quand ça a mal tourné. Dans ma tête, c'est la guerre, le malheur m'a trouvé. J'suis malade sur ma vie, j'suis bien quand j'suis saoulé. J'ai les dents comme un autre. J'suis dévote, j'viens du check, j'ai ma veste à l'endroit, pas ma faute. Si je t'aime, t'es mon pote. Si ta femme me drague, j'connais très bien la loi interdite, je la saute. Les gens me jugent parce que j'ai la cote. La rue, je l'aime, c'est mi corazón. J'suis fidèle, fidèle, la pointe à c'est ma zone. Pointe à c'est ma zone, pointe à c'est ma zone. J'suis perdu, que tu me guides. Les femmes me perturbent, mon cœur est vide. Tu connais quoi de ma vie? Hypocrite, on peut mourir demain. Alors profite. J'suis perdu, que tu me guides. Les femmes me perturbent, mon cœur est vide. Tu connais quoi de ma vie? Hypocrite, on peut mourir demain. Alors profite. J'ai que ma bouche pour décrire, j'ai que mes yeux pour pleurer. J'ai bien du mal à écrire, car ma plume est apeurée. J'ai que ma bouche pour décrire, j'ai que mes yeux pour pleurer. J'ai bien du mal à écrire, car ma plume est apeurée. J'vois des choses qu'il faut pas, voilà pourquoi j'suis dégoûté. J'ai peur de faire un faux pas, j'suis comme un aveugle sur le passage clouté. J'suis comme un aveugle sur le passage clouté. Que tu me guides, les femmes me perturbent, mon cœur est vide. Tu connais quoi de ma vie? On peut mourir demain. J'suis perdu, que tu me guides. Les femmes me perturbent, mon cœur est vide. Tu connais quoi de ma vie? On peut mourir demain. J'suis perdu, que tu me guides. Les femmes me perturbent, mon cœur est vide. Tu connais quoi de ma vie? Hypocrite, on peut mourir demain. Alors profite. J'suis perdu, que tu me guides. Les femmes me perturbent, mon cœur est vide. Tu connais quoi de ma vie? Hypocrite, on peut mourir demain. Alors profite. J'suis perdu, que tu me guides. Les femmes me perturbent, mon cœur est vide. Tu connais quoi de ma vie? Hypocrite, on peut mourir demain.